Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, 53e numéro pour cette émission qui parle de radio à la radio durant 40 minutes sur fréquence protestante et plus exactement de carrière radiophonique. Et aujourd'hui, on branche les guitares, on sort les perfectos. Je reçois un invité dont le nom et la voix sont bien connus des auditeurs de WeFM sur deux ou trois générations, je pense, puisque mon invité officie au micro de la radio rock depuis ses premiers jours en 1987. Et il a eu la chance de rencontrer énormément de stars du rock durant toutes ces années. Je vais pas vous faire la liste, hein, ça tiendrait sur toute la durée de cette émission. Je pense. Mon invité se nomme Dom Kiris. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour Ali. Plus de 30 ans de WeFM, quasiment sans interruption. Belle longévité. C'est vrai, ouais, c'est rare, je crois, dans ce monde où ça bouge pas mal. Ouais. Vous êtes presque même, je dirais, le doyen de la station, si je puis dire. Il paraît, on surnomme le menhir. On ne citera pas de nom, mais il se reconnaîtra, ouais. Je pense. Bon, c'est aussi l'occasion, du coup, de vous recevoir pour raconter cette radio de l'intérieur, son histoire, puisque vous l'avez vécu depuis la création. Mais juste avant, on va commencer avec cette première question. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Tout à fait. Alors là, ça me rappelle vraiment mes tout débuts. La première fois que je suis rentré dans une radio, c'était un peu cet état d'esprit, un petit peu comme ça, confiné, avec donc des gens qui passionnés, qui se concentrent sur leur émission, sur leur travail. C'était RTH 99 Rock. Et c'était vraiment la radio associative branchée rock. Et moi, j'étais l'invité en tant que musicien, en fait. J'ai pas été animateur tout de suite. Et parce que vous êtes aussi guitariste. Ouais, ma première passion, c'est la musique, en fait. Hein. C'est surtout ça qui m'a conduit vers la radio. Mais effectivement, moi, la première fois, en fait, c'était pour répondre à une interview. Et sur le rock français, moi j'avais un groupe qui s'appelait Profession Reporter, et comme son nom l'indique, j'étais aussi passionné de photos et de reportages, et en fait j'ai sympathisé avec l'animateur, puisqu'il m'a dit à un moment, je vais montrer mes photos, il m'a dit, viens faire des photos de nos invités, et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans cette petite radio, quoi, RTH 99 Rock, qui est vraiment, je pense que vraiment la radio pionnière dans le rock en France. Et avant ça, le virus de la radio ne vous a pas atteint, non? Ça vous attirait pas tant que ça? Non, jamais, en fait. J'écoutais beaucoup la radio, en fait. Hein. J'écoutais toutes les émissions musicales sur Europe 1, sur France Inter, j'adorais Le Noir. J'écoutais Pogo dans la Manval. Voilà, moi j'étais un passionné de rock à la radio, mais pas de radio en elle-même. Je me suis jamais projeté pour faire de la radio, jamais. Et c'est l'ambiance des studios qui vous a attiré, l'esprit d'équipe? Alors c'est tout en fait l'environnement de nouveauté qu'il y avait à cette époque-là. On est au milieu des années 80, c'est l'explosion du rock alternatif, des salles de concert, des labels, des fanzines, des radios libres. Et quand on fait de la musique, là on sent qu'on peut tous se permettre, qu'il va y avoir vraiment plein de possibilités qui vont s'ouvrir. Et donc, moi, sur cette radio, j'ai commencé à sympathiser avec tout le monde, je me suis senti bien, et ils m'ont dit, écoute, pourquoi tu ferais pas quelques, parce que je rapportais souvent plein d'anecdotes de groupes que je côtoyais, j'ai commencé à les faire sur Minitel, ces petites infos. Les années 80. Dit, voilà, vraiment l'esprit 80, quoi. Et ils m'ont dit, alors en même temps, je faisais des études d'électronique, je travaillais un peu dans l'électronique, on avait bricolé des premiers clips aussi avec sur Minitel, avec de la musique, et à un moment, ils m'ont dit, pourquoi tu ferais pas ces infos rock à l'antenne? J'ai dit, certainement pas, je me vois mal parler au micro, j'ai le trac et tout ça, et ils m'ont enfermé dans le studio. Ils m'ont dit, tu sors pas d'ici sans une chronique. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières chroniques, les News Musical Express de Dom Kiris, un titre complètement pompé au New Musical Express, le fameux NME où je piquais toutes les infos de la presse anglaise. C'est justement ce que j'avais noté et j'avais un peu tilté sur cette référence justement, le NME qui avait continué sur WeFM dès les premières années, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Bah, c'est comme ça. Ensuite, le passage de RTH à UFM s'est fait parce qu'en fait, on a fusionné des radios à l'époque où en fait, il y avait une sorte de réattribution des fréquences sur la région parisienne parce que c'était un peu l'anarchie. Donc, il y a eu la haute autorité, l'ancêtre du CSA, qui avait réparti les fréquences tous les 400 kHz, une fréquence radio. Donc, associative, commerciale. Et nous, on avait vraiment déposé, enfin, l'équipe de RTH avait vraiment déposé le projet d'une radio vraiment rock, commerciale. Et puis, du coup, ça n'avait pas été retenu. Alors, il y a eu une récupération. Et nous avons fusionné avec Ça bouge dans ma tête, qui était la radio de SOS Racisme. Mmh. Et ce qui a donné cette radio culture et rock. Avec le slogan, et militant un peu. Avec le slogan devenu culte pour les premiers auditeurs, le son qui a du sens. Tout à fait, tout à fait. Et puis on voulait vraiment changer l'état d'esprit de la radio commerciale, tout est beau, tout est joli. Nous, on voulait vraiment rentrer dans l'art, on voulait vraiment montrer quelque chose d'assez urbain, quelque chose de militant, solidaire. On parlait de l'actualité, de la musique, du cinéma, de la culture, toute la culture rock en fait. Et qui en fait, parce que la culture rock, c'est plein de choses. Hein, c'est pas simplement trois accords de guitare. Mmh. Alors, je voudrais juste revenir sur vos tout premiers micros. Vous parliez de cette fameuse chronique où on vous a enfermé de force, si je puis dire. Ouais. Quel ressenti vous avez aujourd'hui sur vos tout premiers micros? Ah bah j'étais complètement paniqué en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vraiment changé, hein. Je suis toujours un peu anxieux avant de prendre un micro aussi. Toujours, je prépare bien. C'est pas quelque chose de facile pour moi en fait. C'est quelque chose de. Non, c'est un travail en fait. C'est un travail. Après, bon, c'est vrai qu'une fois que l'émission est lancée, quand on se retrouve en live, quand on se retrouve avec les artistes, avec une bande, on oublie tout ça. Mais en fait, pour moi, avant, tout est travaillé. Donc c'est j'ai toujours pris ça très au sérieux. Mmh. Et en dehors de cette fameuse chronique NMI, hein, j'abrège, que les Anglais ne viennent pas frapper à la porte. La prescription. Oui, voilà. En dehors de ça, est-ce que du temps de RTH, en tout cas, est-ce que vous aviez d'autres émissions ou non, vous vous contentiez juste à l'antenne de cette chronique? Ah non, moi je faisais juste cette petite chronique. D'ailleurs, 30 ans plus tard, c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant sur WeFM. Je fais les flash infos rock. Et une bonne histoire du rock, une chronique. J'ai plus d'émission. Et je reviens, mes débuts, c'est retour à la case départ. Mais par contre, moi, je participais à toutes les émissions en tant que, comme ici, intervenant, en racontant une histoire, en faisant des photos. Toutes les photos des Bérugiers Noirs, de Indochine, de Star Shooter à l'époque, Little Bob, voilà, je faisais des photos de tous ces artistes qui venaient à la radio. En fait, moi, je suis pas quelqu'un de spécialement bavard, hein. Bon, si, on va s'en apercevoir. Mais pour moi, j'avais plus une envie de participer en fait à l'aventure du rock. À travers la musique, à travers l'image, à travers, j'aurais très bien pu faire un label si l'opportunité s'était présentée. Faire de la photo, j'en ai fait beaucoup aussi, presque en tant que professionnel. Mais les choses ont fait que, à un moment, il fallait choisir. Parce que pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé dans l'industrie. Et je voyais bien que ça me convenait pas du tout et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'artistique, en fait. D'artistique et en même temps, commercial. Gagner ma vie plutôt dans l'artistique plutôt que à l'usine, parce que j'étais un peu à l'usine. À la radio? Non, mais quand j'ai travaillé dans l'industrie. Ah oui, en effet. Et du coup, donc pour reprendre les débuts de WeFM, donc vous parliez d'une radio culture et rock. Il y a eu aussi, pendant un moment donné, un rachat que vous avez aussi vécu. C'était au début des années 90. Alors, comment ça s'est passé à ce moment-là? En fait, il y a eu plein de rachats, hein, sans arrêt. UFM, c'est comme n'importe quelle entreprise. C'est les actionnaires, puisque c'est commercial. Et on est tributaire un peu des actionnaires. Alors, au début, c'est vrai que c'était un esprit plutôt mécène pour créer cette radio. Avec des actionnaires que je connaissais pas d'ailleurs, je sais pas du tout. Mais à un moment, c'est vrai qu'on a été racheté par Polygram et Virgin. Donc c'est peut-être à ce moment-là que tu parles de cette période où on est devenu, on va dire entre guillemets, plus commercial. Mais en fait, OuiFM a toujours été commercial, faut le savoir. Et après, c'est vrai que c'est plutôt les gens qui sont à la tête, qui ont une vision. Et puis il faut s'adapter aussi à l'évolution du marché, et l'évolution de la vision de la radio, parce que OuiFM a toujours évolué et en fait on s'adapte aussi au marché. On peut pas rester toujours à faire. On peut pas rester à faire ce qu'on a fait au tout début sur OuiFM. Aujourd'hui, je sais pas si ça marcherait exactement pareil. Les mentalités ont changé, la manière d'écouter la radio a changé. Bon, voilà, on s'adapte. Il y a que la musique qui est restée la même. Oui, quasiment. En fait, on est resté sur ce créneau du rock. Voilà. Alors avec plus ou moins indé, plus ou moins expérimental, plus ou moins tubesque, plus ou moins. Là, c'est vrai qu'on est en ce moment plutôt dans un esprit rock. Le rock, ça représente 60 ans d'histoire, donc c'est les classiques qui. Le rock, c'est les gens, pour les gens, c'est plutôt les classiques plutôt que de la nouveauté. C'est vrai. En ce moment, ouais, c'est vrai. Ça peut changer. Oui, et puis c'est resté une radio aussi prescriptrice pour certains groupes. Je pense notamment à Nirvana ou Muse, notamment à l'époque. Ah ben on a toute la depuis le milieu des années 80, voilà, depuis la création, on a vraiment suivi toutes les arrivées de tous les mouvements, de tous les groupes rock. Alors ça va des Pixies au début, Radiohead, Nirvana, Oasis, Placebo. Muse, bien sûr, voilà, tous ces artistes, on les a vus arriver avec un premier titre, souvent même des maquettes comme Muse, des démos, et on a suivi toute leur évolution. Alors au départ, c'est vrai qu'on était vraiment, si on les programmait, c'est parce qu'on était fan, on adorait. À chaque fois, c'était un vrai coup de cœur. On sentait le potentiel du groupe, et puis souvent, il y en a plein qu'on a soutenu, qui ont disparu. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui restent aujourd'hui, qui sont devenus vraiment des figures du rock. Et en fait, ce qui fait plaisir, c'est de savoir qu'on avait raison dans nos choix et qu'on les a fait, qu'on a fait partie de leur histoire un petit peu. Et on parlait, vous parliez de grandes figures du rock. On va en écouter une tout de suite avec un premier morceau de votre choix, Dom. Je vous laisse vous le présenter. C'est Neil Young en 79. Ah là, Neil Young avec le morceau "Hey My Mind, Rock and Roll Can Never Die". Ça, c'est vraiment un morceau qui me tient à cœur. Déjà, j'adore le riff de guitare, je joue sans arrêt à la guitare. Et il y a toute une histoire autour de cette chanson. Pour le propos, parce qu'il raconte... on est en 79, Neil Young, il est considéré comme une sorte de hippie. Il a eu ses années avec Harvest. Et là, en fait, 79, Elvis Presley est mort. Et il y a Johnny Rotten qui est vraiment le nouveau roi du rock un peu provocateur. Donc il raconte tout ça dans la chanson. Et Kurt Cobain a écrit une lettre d'adieu avant son suicide où il termine sa lettre par « It's better to burn out than to fade away ». Et donc c'est dans la chanson de Neil Young. Donc vraiment symbolique. We'll be right back. très bon riff de guitare. Ah ouais, ça c'est le Neil Young vraiment électrique avec son couple Crazy Horse. Que souvent les gens ne connaissent pas et ils ont toujours en référence un album que j'adore, Harvest de Neil Young, avec Heart of Gold par exemple, la guitare acoustique très tranquille. Mais ça c'est vraiment en fait une parenthèse de sa carrière, parce qu'en fait le Neil Young quand on voit en concert, c'est ça. C'est assez extraordinaire de le voir sur scène, hein. C'est une vraie transe électrique, moi j'adore. Hey Hey My My, donc morceau choisi par Dom Kiris, un grand classique sur Fréquence Protestante, et peut-être un classique pour WFM, pourquoi pas. Ah oui, ça passe très souvent. Ça passe très souvent. Ah bah parfait. Vrai qu'en ce moment celui-là il passe beaucoup moins. C'est plutôt Rocking in the Free World. J'allais le dire. Voilà, qui passe beaucoup. Et alors moi j'ai découvert d'ailleurs Neil Young à ce moment-là, avec Rocking in the Free World, donc 89, je commençais à être sur WFM, et il a fait un concert à l'Élysée Montmartre. Là, c'est la première fois que je l'ai vu, et il sortait son album Freedom, où il y avait, donc, comme sur cet album, avec une version acoustique de son titre et une version électrique. Et j'ai découvert en fait le Neil Young, voilà, très électrique. C'est ça qui m'a plu. Et en plus, on était en pleine période de la montée du grunge, Nirvana. Mmh. Et c'était à ce moment-là aussi qu'on a commencé à parler du parrain du grunge. Donc parce que il y avait ce fameux son très électrique, très crade. Ah, vous m'apprenez quelque chose là. Voilà, ouais, c'est ça. Sonic Youth, Nirvana, ne jurait que par Neil Young. Hein. Mmh. Ouais. Notre époque, tout ça. Mais ça fait l'histoire du rock. Et justement, WFM a évolué avec le rock, mais aussi au niveau de l'équipe. Hein, beaucoup m'ont parlé dans cette émission de cet esprit de famille qui régnait en interne, et puis même à l'écoute, ça se ressentait, moi, je trouve. Vous avez connu plusieurs familles. Du coup. C'est vrai, et ce qui est assez incroyable, c'est que l'esprit de bande se régénère à chaque nouvelle génération, on va dire, à chaque nouvelle direction, à chaque fois qu'une équipe part et une autre vient. On retrouve cette même état d'esprit, ce regroupement entre affinités de vilain petit canard de la bande FM qui se retrouve sur WFM, passionné de musique. En fait, le socle commun, c'est la musique. Hein. On se retrouve en concert, on se retrouve dans des soirées, et on parle de musique. Et c'est tout ça. On a tout de suite des affinités. On retrouve donc c'est comme ça. En plus. Faut savoir que la plupart arrivent souvent en tant que stagiaire ou en tant qu'animateur tout débutant, sortant de l'école du studio École de France, par exemple le Studec, le fameux Studec. Et donc généralement ils ont 20 ans, entre 20 ans et 25, 26 ans. Donc c'est le moment où on découvre vraiment un métier, on découvre vraiment les amitiés durables, les amours aussi. Et ça passe des choses. Il y a plein de bébés, hein, qui viennent des enfants de WFM. Ça se recrée. Et en plus, on se retrouve toujours. On continue à se voir, les anciens. Le comité des fêtes de la Radio Rock existe et on fait des bonnes fêtes. Sympa ce petit nom. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est marquant de différentes périodes. Il y a toujours eu cet état d'esprit. Ouais. Et du coup, alors tous m'ont parlé de vous comme un grand spécialiste en matière de musique. Et justement, en matière de musique, alors, vous avez fait énormément d'émissions en 30 ans sur WFM. Alors je cite En Vrac, La Java des Guignols. Mmh. Il y a eu Frey Dispo. Rendez-vous au tas de sable, C'est bien fait par vous. Au secours, c'est du live, mmh, avec Sacha. Le café gourmand, bon, ça c'était une tranche musicale. Il y a eu aussi Littéralement Rock qui parlait littérature. Ça c'était un peu plus proche de nous. Parmi ces émissions, est-ce qu'il y en a certaines que vous aviez suggérées à la direction ou est-ce qu'on vous les a proposées spontanément? Non, c'est moi qui ai proposé toutes ces émissions en fait. Hein. La Java des Guignols, par exemple, ça c'est vraiment la première émission de la tranche 16h-20h. Par exemple, je crois que c'est à peu près ça. Donc c'était en 1990. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé, parce qu'avant je faisais juste des petites chroniques. Et donc là, je me retrouve en direct et pour trouver une sorte de personnalisation de l'émission, j'ai en fait j'ai fait un habillage avec tous les dialogues des Tontons Flingueurs. et avec un habillage. Donc à l'époque, c'était pas aussi culte que maintenant, Tonton Flingueur. Pas à l'époque, hein, c'était vraiment un truc un peu confidentiel. Après, il y a eu une réhabilitation de ce film, mais c'était un peu considéré comme à part. Et en fait, quand la deuxième, quand après le rachat, quand le nouveau directeur d'antenne a écouté l'émission, il a adoré ça et il a dit quelqu'un qui a une culture des Tontons Flingueurs, je peux pas le virer. Et c'est comme ça que je suis resté. Donc merci Georges Chandler, merci Bernard Blier, merci les Tontons Flingueurs. Donc je prends note, l'argument Tonton Flingueur en radio, ça peut servir. Bah voilà, en tout cas, on s'est le nouveau directeur, il a trouvé que on a trouvé un terrain d'entente, on va dire. Sinon toutes les émissions en tout cas les titres idiots là comme la plupart du temps, c'est les titres que je trouve comme ça sur le au moment de les faire. Au secours c'est du live, on a trouvé le titre pendant quand on faisait l'émission. Puisque en fait le but c'était d'inviter des artistes à faire une session live pendant l'émission. On faisait la balance, on faisait donc le groupe arrivait, on les recevait, on faisait les lives, les interviews, tout ça en direct. Donc dans un bordel indescriptible avec qu'il faut, les gens qui circulent. Mais moi j'adore cette émission, enfin cet état d'esprit un peu. Comme ça, où il se passe plein de choses, où ça rebondit, où c'est vivant, où on est connecté sur ce qui se passe en direct. Ça, j'adore. Mmh. C'était ça. Et il y a eu aussi pas mal de jeunes artistes, même encore aujourd'hui, auxquels vous avez apporté de bons coups de pouce. Je pense notamment au BPI, je crois, pour oui, les voilà. Productions indépendantes. C'est ça, ouais. C'était l'idée, c'est de chaque semaine. De mettre à l'antenne un artiste parce qu'on recevait plein de maquettes, plein de CD, donc les écouter et tomber sur un coup de cœur, vraiment les coups de cœur, hein. Je faisais pas de remplissage et donc il y en a au moins un par semaine qui a un vrai coup de cœur, et donc c'est les diffuser à l'antenne en les appelant au téléphone. Et donc la joie de les avoir au téléphone, d'être repéré par WeFM, c'était vraiment souvent un bon coup de pouce. Hein. Et puis ensuite être repéré par l'antenne et par la suite être programmé en playlist, hein, par exemple. Et il y en a eu plein, hein, il y en a eu beaucoup. Ah oui, j'ai pas les noms en tête, mais effectivement là la liste. Énorme, ouais, ça donne. Tout comme la liste des rockstars que vous avez rencontrés et interviewés aussi. Est-ce que vous vous souvenez de vos toutes premières interviews? Alors moi, en fait, moi je suis pas, je me sens pas comme un spécialiste, moi. Je me sens parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il m'en apprend toujours. Et moi, je me sens plus comme un passionné et quelqu'un qui, je veux pas faire autrement de passer le disque, de le rencontrer et de faire connaître, de sympathiser avec lui, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors la toute première interview que j'ai faite, c'est celle de Willy DeVille. Donc grand dandy de New York qui mélangeait le rock avec tout le côté un peu latino de la musique, fan de Edith Piaf, fan de musique black américain, de blues. Pour moi, c'était mon idole. Et la première fois que j'ai fait une interview, c'était avec Willy DeVille qui, pendant toute la durée de l'interview, a mangé un sandwich. Et j'avais le droit. Et la deuxième, c'était terrible. Bon, déjà qu'en plus je maîtrisais pas trop l'anglais. Ensuite je l'ai réinvité en direct sur WeFM et il a vomi dans la poubelle. Parce que c'était quand même un sacré lascar. C'était le même sandwich ou pas? Je sais pas. Là je pense qu'il avait bu une bière de trop. Et troisième fois j'essayais toujours d'être dans ses parages et j'essaie de faire une interview avec lui, mais ce jour-là il avait pas envie de faire l'interview. Je l'ai suivi pendant toute la journée pendant sa journée de promo où il faisait le tour des photographes ou des journalistes, et en fait j'ai passé toute la journée avec lui, j'ai pas pu faire l'interview. Mais je me suis bien marré et on a fini complètement décalqué à boire du vin blanc et manger des huîtres avec lui. C'était énorme. Ah, sympa. Et donc, du coup, celle-ci, est-ce que vous la considéreriez comme la plus marquante de vos interviews? Non, c'est pas la plus marquante. Alors, s'il fallait en retenir, une ou deux. Bah, la toute première fois, on a invité Muse, par exemple. C'était assez délirant de voir trois petits gamins, tout boutonneux, tout chétifs. Et on avait adoré leur CD qui est quasiment autoproduit, hein. C'était un petit label qui avait produit ça. Et on a été vraiment, mais vraiment subjugués par l'atmosphère de leur musique. Par, on a eu des frissons, quoi, carrément. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse. Alors, je me souviens plus ce qu'ils racontaient. Ils étaient tout timides. Par contre, leur musique, vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. L'autre interview qui a marqué aussi, c'est la non-interview de Kurt Cobain. Ah, justement, parce qu'il paraît que vous étiez, alors j'ai lu ça dans l'Humanité, mais un vieux dans les archives, apparemment vous étiez parmi les premiers à interviewer Nirvana. C'est oui, l'humain qui le dit. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, donc, Nirvana avait sorti Nevermind. Tout le monde parlait de ça. C'est-à-dire chaque interview, chaque personne, chaque artiste me parlait de Nirvana, comme c'est vraiment, c'était la révolution. Donc Nirvana ne faisait pas de promo en France, pas d'interview, mais par contre ils étaient en transit entre l'Italie et l'Angleterre. Ils passaient juste une après-midi en France, dans un petit hôtel à Pigalle. Donc moi je l'ai su, je me suis pointé à Pigalle, dans ce petit hôtel, et avec l'attaché de presse, j'ai essayé d'essayer de dealer une interview. Bon. Nirvana, pas là toute la journée, donc on a picolé au bar de l'hôtel aux frais du label. Et arrivé à la fin de la soirée, enfin il devait être, je sais pas, 20h, quelque chose comme ça, les gars de Nirvana arrivent. Et donc, je me présente plus ou moins. Et puis Kurt Cobain, il était un peu à moitié. Il était tout timide, il avait sa veste de cuir, il frôlait les murs. Je réussis à voir Chris Novoselic, le bassiste. Donc là, on fait une interview. Et puis je dis, mais ça serait bien d'avoir Kurt Cobain. Et en fait, Kurt Cobain se renseigne sur nous. Et pour eux, pour Kurt Cobain, on était une radio trop grosse. Et en fait, l'interview, il l'a donnée juste à côté de moi, sur un petit label, un petit fanzine qui s'appelait Yacine, ou Yacinthe. Et donc moi, il était juste à côté de moi. Et j'ai pas réussi à faire l'interview de Kurt Cobain. Par contre, j'ai eu Creedence Novoselic qui a raconté l'histoire du groupe, qui était assez délirante. Mais la première interview, on l'a diffusée à l'antenne le matin à 10h du matin, un samedi. Parce que moi, j'étais un peu retiré de l'antenne. Je faisais le week-end. Et le standard a explosé. Tout le monde a appelé. Et du coup, j'ai dit, bah Dom, du coup, cette interview, tu vas la faire le soir. Et du coup, après, j'ai fait les émissions le soir. Qui était mieux quand même pour passer des interviews que le matin. Oui, c'est sûr. On va passer à la deuxième pause musicale, Dom Kiris, avec une nouveauté cette fois-ci que vous avez choisie, Delgrès, avec Monsieur Président. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur absolu du moment. C'est un groupe qui chante en créole. Ils sont trois. Il y a un sousaphone, c'est un énorme cuivre comme dans les marching bands de Nouvelle-Orléans, des fanfares. Un batteur et un chanteur guitariste au dobro. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper nouveau. C'est quelque chose, à mon avis, dont on va beaucoup entendre parler cette année. écoutez entre la Louisiane et la Guadeloupe, c'était les Delgrès avec Monsieur Président, choisi par Dom Kiris, invité de la mécanique des ondes aujourd'hui. Et alors, on a parlé de rock à la radio, mais le rock, vous l'écrivez aussi, puisque vous avez sorti plusieurs ouvrages sur l'histoire du rock. Alors, le dernier en date est sorti tout récemment, il se nomme « List Addict Guitar ». Je vous laisse nous en parler. Comme son nom l'indique, c'est vraiment des... C'est pour les accros de l'univers de la guitare. Alors, je parle pas essentiellement de guitare, je parle des guitaristes bien sûr, mais c'est tout l'univers, tout ce qui est aussi. Alors la liste, c'est le côté un peu comme il y a beaucoup ce genre de liste sur Internet. Donc l'éditeur a trouvé que c'était intéressant de proposer un livre sur l'univers des guitares, mais un petit peu sous forme de liste. Alors c'est pas que des listes comme ça qui se suivent, mais c'est plus alors donc les guitares de légende, les guitaristes qui ont marqué. J'en parle. Il y a à peu près, je sais pas. Comme sur la couverture, c'est marqué 200 guitares, 230 guitaristes. Il y a tout 75 listes. Studios, les concerts mythiques, les albums, voilà, les riffs de guitare. Et je suis pas resté uniquement sur le rock, puisque là j'avais envie de vraiment m'intéresser à toute la culture de la guitare, aussi bien dans le classique, la musique, le jazz bien sûr, la world, le blues, le rock, le folk, voilà, tout ça. Pour moi c'est lié et je suis fasciné par voilà cet instrument qui a créé vraiment le son du 20e siècle. Donc maintenant, en plus de ça, ça commence un petit peu on commence à plus trop entendre les guitares, je trouve. Il y a beaucoup de toute la musique urbaine est faite à partir de musique électronique. Donc j'ai absolument envie qu'on garde cet esprit de la guitare. Donc voilà, c'est à travers ce livre. Puis il y a plein d'anecdotes à raconter, plein d'histoires à raconter, surtout des bonnes histoires à raconter. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en survolant. J'ai pas encore lu jusqu'au bout, mais en tout cas, ouais, c'est bourré d'anecdotes et on reconnaît là votre patte aussi. Hein. D'accord, ah ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai en plus à la radio souvent, j'écris en fait pour préparer. J'écris mes chroniques, j'écris bien sûr les chroniques de la semaine, mais les interviews, les émissions souvent aussi. Moi, j'aime bien créer un univers en radio, donc avec beaucoup d'écriture. Donc la suite logique, c'est le livre. Et puis la première fois qu'on m'a proposé de faire un livre sur les guitares, il y a à peu près 7-8 ans. C'est parce que j'avais rencontré plein de guitaristes. J'avais interviewé Mark Knopfler, Satriani, Jimmy Page. Et donc, on m'a proposé de faire ce livre, justement, le premier, qui a très bien marché. C'était Guitare et guitariste de légende. Et parce que, justement, j'avais côtoyé ces guitaristes. Et en tout cas, 200 guitares, 230 guitaristes. Hein, mais moi, je voudrais savoir combien de temps ça vous a pris pour faire tout ça, pour tout organiser en liste, parce que... J'ai passé du temps, surtout que c'est plein de chapitres, plein de petites choses, environ un an. Mais comme j'avais déjà travaillé sur le premier livre, j'avais quand même une base de travail, quoi, qui était assez conséquente. La mécanique des ondes. De la radio, de la littérature, les deux font bon ménage, hein, Dom Kiris, la preuve. En tout cas, on vous recommande List Addict Guitar, même si vous êtes néophyte comme moi de la guitare. Enfin, moi, je suis plus sur l'écoute. En tout cas, le livre est très accessible, donc n'hésitez pas. Il est sorti aux éditions de la Martinière. J'ai failli dire la Martinière, rien à voir. On va passer à la partie questions maintenant, Dom Kiris. À commencer par la question capsule, comme la capsule temporelle. L'invité de l'émission précédente d'il y a un mois, il dépose une question à destination de l'invité suivant, donc en l'occurrence vous. Et en plus, là, ça fait un bon chaînon puisque c'est un ancien de WeFM que vous avez bien connu, c'est Jean-Mathieu Pernin qui avait une question pour vous. Cher Dom Kiris, cela fait fort longtemps que l'on ne s'est vu. Pourtant, j'en ai un petit peu parlé de ta carrière de bagarreur dans mon interview que je viens de donner, cette merveilleuse interview. Mais j'aimerais bien que tu expliques en détail, en effet, moi, ce que j'ai vécu en tant qu'auditeur. J'étais adolescent et ce dont tu m'as parlé après, tu faisais à l'époque des émissions au Chesterfield Café, je ne sais pas si ça existe encore, sur les Champs-Élysées, et tu interviewais les frères Gallagher. Et ça tombe bien puisque l'IAM est en tournée actuellement et je crois que c'est l'IAM, hein. Je crois pas que ça soit Noël. Je crois que vous avez un petit contentieux, c'est le bras ou la jambe qui n'est pas ressorti intact, hein, de cette interview. Et donc, est-ce que tu pourrais raconter cette anecdote? Ah oui, c'est vrai. c'était assez fou. C'était bon, le Chesterfield Café, c'était un bar sur les Champs-Élysées avec des groupes en live. Donc je faisais l'émission tous les mercredis avec donc les groupes qui jouaient en live, une ambiance assez rock'n'roll et des artistes. Et donc on a fait l'avant-première de la sortie du deuxième album d'Oasis, What's the Story Morning, What's the Story Morning Glory, exactement. Et donc c'était l'événement incroyable. Et donc je reçois Liam Gallagher avec le bassiste et Guixi et puis le nouveau batteur. Sauf que Liam, il était dans un état pas possible, impossible de l'interviewer. À côté de moi, il y avait un humoriste anglais, Eddie Hazard, qui parle très bien français. Et comme c'était impossible d'interviewer Liam, parce que en fait, à chaque fois que je lui posais une question, c'était "We are fucking best band of the world, fuck you." Toi, bip, tu peux mettre des bips là si tu veux. C'est du Gallagher. Et on passait le morceau, il chantait par-dessus, on ouvrait les micros, c'était assez drôle. Et donc à un moment, j'ai fait intervenir Eddie Izzard pour lui demander, pour nous parler du phénomène Oasis en Angleterre, qui était énorme. Hein. Le premier album, ça avait fait un carton, le deuxième était hyper attendu. Et là, il commence à me parler d'Oasis en français. Ça ne plaît pas du tout à Liam, qui lui comprend pas le français, et il dit, mais que fait ce mec qui me pique ma place, voilà, avec des insultes dans tous les sens et tout ça. Il se lève. Et il commence à me dire, et puis il dit au bassiste de venir avec lui parce qu'il va pas rester avec cette bande de français, il y a tous les insultants. Bon, et donc à ce moment-là, c'est la pagaille dans le bar en direct. J'étais un peu comme un capitaine dans une tempête là, il fallait essayer de driver le bateau. C'était assez délirant. Liam, il est sorti, il a fini par se battre avec son garde du corps, parce que le garde du corps était plutôt là pour protéger les autres que Liam, en fait. Et ça s'est terminé que le groupe a plus ou moins splitté pendant la nuit, paraît-il, que le bassiste s'est fait virer, que Liam a disparu de la circulation, on sait pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on retrouve cette anecdote dans la biographie d'Oasis. Avec la biographie du fameux garde du corps qui commence son bouquin par ça et qui finit par cette anecdote. Et puis surtout, tous les journalistes avaient écouté l'interview à la radio. Et surtout, un mois plus tard, il y a Rock'n'Folk qui a publié une photo avec Liam Gallagher sur une chaise roulante sortant de l'aéroport avec une petite légende. Voilà ce qui arrive quand on embrouille les journalistes, les animateurs de Wii FM en voyant Liam Gallagher sur une chaise roulante. Mais on s'est pas battu, hein. Il y a rien eu. Ah, et c'est la magie de la radio, on c'est dira. Ça, voilà. Et en plus, c'est Rock'n'Folk qui ont, avec cette photo, ont déclenché encore une fois la polémique. Il nous reste encore quelques secondes. Dame Kiris, questionnaire rapide, attention, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Ça a été Antoine Decaune. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin? France Inter. Et quelle radio vous endort le soir? Aucune. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Salle de bain, cuisine, voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Où j'écoute jamais la radio? Dans ma salle de répète. Je joue. Bien joué. Votre meilleur souvenir de radio? Meilleur souvenir de radio? 15 jours à Austin, au festival South by Southwest. C'était mon rêve. Je suis aux États-Unis en direct avec la découverte de plein de musiciens en direct depuis les États-Unis. J'ai vécu le rêve américain à la radio. C'était énorme. Le pire? Le pire, qu'est-ce que... je sais pas, peut-être quelques groupes français qui se la pètent et que j'étais obligé de virer, mais je donnerai pas les noms. Et enfin, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Sois toi-même. Aujourd'hui, ça va pas être évident, sauf sur des radios comme ici, associatives. Je pense c'est bien pour faire ce qu'on a envie, parce que sur les radios commerciales, ça devient assez difficile. Très bien. Merci Dom Kiris en tout cas d'être venu partager avec nous 30 ans de Wii FM et votre culture rock impressionnante. C'est un plaisir hein, voilà, d'être invité par toi. Puis, t'es un passionné de radio et ça fait plaisir de voir que voilà, ce média continue d'exister malgré tout ce qu'il y a autour. Là, c'est vrai que la radio en elle-même, je pense que c'est vraiment quelque chose de magique.